L'homme sur la Terre vit passionnément, c'est-à-dire que il vit. Selon un mode de projection qui provient de son corps de désir, puis qui provient de son mental. Et c'est la passion dans la vie de l'homme qui donne à sa vie la valeur d'être vécue. Quand tu es passionné à faire quelque chose, quand tu es passionné à jouer au hockey, quand tu es passionné à jouer aux échecs, quand tu es passionné à faire ci ou à faire ça, ta vie est colorée. Puis automatiquement, ta vie est plus plaisante. De sorte que l'humanité sur la Terre entière, la passion, est le mode d'expression le plus conventionnel de l'être humain. Et si pour une raison ou une autre, la passion était retirée de la vie de l'homme, la vie serait extrêmement plate parce que l'homme vit au niveau de son corps astral et de son corps mental inférieur. Fait qu'automatiquement, toute activité dans la vie est conditionnée par la passion liée au corps astral ou au corps mental. Y a deux catégories universelles de passion sur la Terre. Il y a la passion de l'ego, la passion astrale, puis il y a la passion de l'esprit de l'ego. Les artistes, par exemple, les écrivains, les gens qui créent, les architectes, les gens qui donnent à la civilisation un produit de leur créativité, sont des êtres qui vivent d'une sorte de passion de l'esprit, et c'est la plus belle des passions parce que c'est la passion qui permet à la civilisation de se développer. D'un autre côté, il y a la passion que tous les hommes vivent, la passion astrale, la passion au niveau des sentiments, la passion réellement humaine, la plus vile des passions, la plus basse, mais aussi la plus importante des passions, si vous voulez, parce que toutes les passions sont importantes quand l'homme est inconscient. Alors, l'homme vit une passion au niveau de l'esprit ou il vit une passion au niveau de l'ego. Alors, toutes les passions qu'on peut reconnaître dans la vie de l'homme se divisent selon ces deux lignes générales-là. Ça, c'est pour l'homme inconscient. Mais quand l'homme se conscientise et que son corps astral est changé en vibration, que son corps mental inférieur est changé en vibration, et qu'il développe une conscience supramentale, le phénomène de la passion disparaît et s'amenuise petit à petit dans la vie de l'homme. De sorte qu'au début, quand un homme se conscientise qu'il entre dans son intelligence, il s'aperçoit que ce qui colorait sa vie auparavant perd de plus en plus de sa valeur et ça crée dans l'individu une sorte de tristesse. Ça peut créer une sorte d'inquiétude parce que ça implique une perte de quelque chose que tu as vécu pendant des années de temps, quelque chose qui pouvait être très valable pour lui, mais qui néanmoins, que ce soit sur le plan de l'esprit ou que ce soit sur le plan simplement de l'ego, empêchait l'individu d'être dans son intelligence parce que ce qui empêche l'homme d'être dans son intelligence sur la Terre, c'est la passion de l'ego ou de l'esprit. Parce que la passion, c'est une force vibratoire qui se sert soit de l'émotion, ou de l'intelligence et qui bloque automatiquement la conscience supérieure. L'intelligence supérieure, pour qu'elle descende dans l'homme, ne doit pas être bloquée, ne doit pas être empêchée, ne doit pas être voilée par une vibration qui se situe dans l'émotionnel de l'homme ou dans le mental de l'homme, ce qu'on appelle la passion. Et c'est pour ça que lorsque l'homme se conscientise et qu'il entre de plus en plus dans sa conscience réelle, il subit le choc de cette énergie supramentale sur ses corps inférieurs et ce choc-là crée une tristesse. Puis ça y prend un certain temps à s'adapter. Et pendant un certain temps, la vie semble être plate. C'est pas aussi le fun qu'avant. Il n'y a pas autant de choses à faire qu'avant. Et pour l'être humain, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est un des aspects probablement les plus difficiles de l'être humain qui entre en contact avec la vibration supramentale. Mais la conscience supramentale, l'intelligence supramentale, c'est une énergie qui est absolue. C'est une énergie qui pénètre dans son temps, selon son propre rythme, selon la capacité de l'individu de l'absorber, cette énergie-là. Mais lorsqu'elle commence à pénétrer dans l'homme, c'est un peu comme une goutte d'eau qui commence à tomber. Éventuellement, ça crée un trou, puis ça crée un plus gros trou. Ça ne s'arrête pas, la conscience. Et automatiquement, l'homme devient de plus en plus incapable d'être passionné avec les années. Et dans ce processus-là, il se crée en lui une sorte de décontenance. Et lorsque l'homme vit la décontenance qui est créée par la pénétration de l'énergie de la conscience universelle, c'est très important qu'il comprenne, qu'il s'assoie, qu'il se mette au neutre devant la mémoire passionnelle qu'il a, devant la mémoire de ses passions, devant la mémoire de ses activités antérieures, et qu'il considère son état temporaire et qu'il considère son état absolument normal vis-à-vis la pénétration de l'énergie supramentale. Une des raisons pour laquelle la passion dans l'homme doit être détruite, c'est parce que l'homme supramental, l'homme de demain, l'homme de la sixième race vivra à un taux de vibration tellement différent de celui que l'on rencontre dans la sixième race, que c'est justement ce taux vibratoire-là qui permettra à l'homme de créer une civilisation et des modes de civilisation totalement différents et totalement au-delà de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Pour qu'il y ait un changement radical dans une civilisation, que la civilisation soit sur un plan ou sur un autre, ou que la civilisation soit dans des conditions historique totalement transformé à cause des événements cosmiques de la fin du cycle, c'est sans importance. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'une nouvelle civilisation apparaît sur une planète et que les hommes sont liés vibratoirement dans un plan d'énergie supérieur à celui qu'ils ont connu au cours de la race antérieure, il est normal que les conditions psychologiques de leur évolution et de leurs activités dans la société qui ont atteint un terme créé dans ces individus-là pendant qu'ils s'acheminent vers un état de conscience supérieur, une sorte de désarroi. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est très important pour les gens qui se conscientisent et qui vont vers la conscience supramentale, éventuellement de pouvoir se retrouver dans un dialogue totalement intelligent, dialogue qui peut et qui sera vécu entre eux. Parce que la société ne pourra plus fournir à l'homme de demain, dans les années qui viennent, le matériel émotif ou le matériel mental qu'il s'est élevé auparavant, parce que l'homme ne vibre plus à ce niveau-là. Si vous regardez votre vie depuis un vous pouvez facilement vous apercevoir que les choses qui vous intéressaient avant commencent lentement à s'atténuer, puis à s'atténuer, puis à s'atténuer. Imaginez-vous dans 10 ans comment est-ce que vous allez être. Dans 15 ans, comment vous allez être? Parce que plus la société avance, plus la société devient décadente, parce que plus les formes de la société sont soumises à des lois mécaniques de l'astral, et plus l'homme conscient est obligé de se retirer vibratoirement de l'interaction avec les formes que produit cette société-là sur le plan émotionnel ou sur le plan de l'esprit. De sorte qu'aujourd'hui, même si vous êtes un peintre inconscient ou que vous êtes un musicien inconscient, il viendra un temps dans quelques années où votre peinture et où votre musique changera. Vous ne serez plus intéressé à faire de la musique ou à faire de la peinture comme vous le faisiez avant, parce que la résonance vibratoire dans votre corps mental et dans votre corps émotionnel sera différente. De sorte que autant vous êtes intéressé aujourd'hui à faire de la peinture parce que ça vous donne une sorte de caractéristique sociale, ou parce que ça flatte votre esprit, ou parce que ça flatte votre ego, ou parce que ça convient astralement à votre tempérament, autant un jour vous allez venir que vous ne serez plus intéressé à faire cette sorte de peinture-là, ou peut-être vous serez même plus intéressé à peindre pantoute, vous ferez d'autres choses. Parce que plus on se conscientise, plus on s'aperçoit d'une chose, que tout ce qui a été essentiel à la stabilisation de l'ego ou de l'esprit de l'ego avant le développement de la résonance, plus on s'aperçoit que cette ancienne stabilité-là est totalement déstabilisée par l'énergie. Totalement déstabilisé. De sorte qu'éventuellement, l'ego, l'homme, n'a plus de fondation pour exercer dans sa vie matérielle de continuité avec les formes qui alimentaient son corps émotionnel et son corps mental inférieur. Parce que déjà, son corps mental supérieur commence à être formé par la transmutation du corps émotionnel et du corps mental inférieur, et déjà sa conscience s'altère, et déjà il ne peut plus voir, il ne peut plus goûter de la vie comme il a goûté avant, et il vit des moments où il n'est aucunement intéressé à goûter de la vie parce que la vie n'a plus de goût. Et lorsque la vie n'a plus de goût, il reste deux options à l'homme. Sa propre intelligence, autrement dit, sa propre conscience, sa propre relation télépathique avec les plans qui sont en ouverture vers lui et les âmes qui sont sur sa longueur d'onde. Et ensuite, les vibrations changent, puis tu as le goût encore de retourner un petit peu à la vie, puis ensuite, les vibrations changent, puis tu perds le goût de retourner à la vie, puis ensuite, les vibrations reviennent, puis tu as le goût encore de participer à la vie. Puis ça, c'est un tuning qui se fait. Ils peuvent pas vous enlever complètement cette énergie astrale, cette énergie mentale inférieure là tout d'un coup, parce que ça équivaudrait à la fusion, puis vous seriez extrêmement malheureux. Alors le travail, il est fait très lentement, petit à petit, à votre insu, mais il y a des périodes où vous sentez en vous qu'il y a effectivement une sorte de vide. Et la fonction de la passion dans l'humanité, c'est de remplir le vide de l'ego. La passion remplit le vide. Puis l'ego est rendu tellement vide aujourd'hui que l'homme devient de plus en plus passionné. L'ego est rendu tellement inconscient dans le monde aujourd'hui que toutes sortes de passions se développent. De sorte que vous avez à tous les jours des nouvelles modes de ci, des nouvelles modes de ça qui se développent dans le monde pour attiser l'ego et permettre que le vide soit rempli. Mais le remplissage du vide de l'ego Ce n'est pas de la conscience, c'est de l'inconscience qui devient de plus en plus inconscience et qui éventuellement tourne l'homme complètement contre son intelligence et ce qui amène la perte éventuellement d'une civilisation. Mais l'ego qui se sent tout d'un coup déphasé dans son énergie émotionnelle, dans sa façon de traiter de ses émotions, dans son énergie mentale et de sa façon de traiter des idées de son mental, éventuellement cet ego-là doit être renforcé par l'énergie. Et comment est-il renforcé par l'énergie? Il est renforcé par l'énergie en sentant de plus en plus le vide et en étant capable d'absorber de plus en plus le vide sans être bousculé au-delà de sa capacité de vivre ce vide-là. Et c'est pour ça que lorsque le contact s'établit au niveau de la télépathie mentale entre l'homme et ses intelligences prépersonnelles-là, mais ce sont ces intelligences-là qui remplissent en nous le vide. Alors à ce moment-là, le vide n'a plus besoin d'être rempli par la passion, il est rempli par l'intelligence. Et lorsque le vide est rempli par l'intelligence, effectivement, l'homme n'a plus à se chercher, l'homme n'a plus à essayer de se découvrir par la passion, parce que la passion, c'est une formule inconsciente qui permet à l'ego, par le biais du corps astral ou du corps mental inférieur, de se découvrir. Et l'ego essaie toutes sortes de sauces pour se découvrir. Il met toutes sortes de sauces sur son steak pour essayer d'en découvrir le goût. Puis tout ce qu'il fait, c'est de cacher le goût du steak. L'homme entre dans un cycle de vie où tous les mécanismes de sa conscience lui sont expliqués. Mais les mécanismes de sa conscience qui lui sont expliqués ne peuvent pas lui être expliqués philosophiquement ou psychologiquement parce que si l'homme se servait de l'énergie philosophiquement ou psychologiquement, il créerait une autre passion. Parce que la philosophie, c'est une passion, comme la psychologie inconsciente, ça peut être une passion. Et l'homme ne doit pas vivre de passion dans son esprit, il doit vivre d'énergie dans son esprit, comme il doit vivre d'énergie dans son corps astral, comme il vit d'énergie sur le plan vital. L'homme doit vivre simplement d'énergie. Et c'est lorsque il a commencé à comprendre l'importance de sentir le vide et de vivre le vide et de ne pas être atteint ou de ne pas pouvoir être atteint par le vide, que le vide commence à se remplir parce que l'intelligence en lui est toujours là, présente, anyway, qui peut lui expliquer les conditions temporaires où le vide devient de plus en plus difficile à supporter. Roman, c'est Les philosophes, les philosophes ont essayé d'expliquer le vide pendant des siècles. Puis ils ont pris le vide, les philosophes ex occidentaux ont pris le vide du concept du vide qui venait des Orientaux. Puis les Orientaux ont essayé de vivre le vide pendant des siècles, puis eux autres ont vécu le vide en se projetant dans l'astral. Et ce qu'ils ont vécu dans l'astral, dans le mystique, c'est pas un vide. C'est simplement une réflexion du vide. Ils ont tellement aimé la réflexion du vide, sont restés ils ont été pognés dans le vide de leur réflexion. Mais c'est pour ça que la philosophie hindoue n'est pas un terminus dans l'évolution de la pensée de l'homme, c'est un commencement, mais éventuellement, elle était obligée, cette philosophie-là, d'être abattue par un autre niveau d'intelligence qui avait le pouvoir, qui était capable de voir au-delà de la forme de cette philosophie-là. Sans ça, on en sera jamais sorti. Tout le monde va aux Indes. Tout le monde va aux Indes pour comprendre la vie. Les Vietnamiens sont tous déprimés. Il y a une autre passion qui est extrêmement subtile que l'homme ne réalise pas, c'est la passion spirituelle. La spiritualité, c'est une passion. Allez voir les sœurs qui vivent dans les monastères, vous allez voir qu'ils sont passionnés. Ils ne sont pas passionnés comme vous autres. De la même façon, la spiritualité, c'est une grande passion. Puis je me sers de la spiritualité pour expliquer le phénomène de la passion, pour démontrer jusqu'à quel point la passion, qu'elle soit d'une sorte ou d'une autre, est une condition de l'existence de l'homme et réfléchit l'incapacité de l'homme de vivre le vide. Et l'homme ne peut pas créer le vide. Il peut essayer de le vider. Quand tu fais de la méditation transcendantale, tu essaies de le vider. C'est plein de vide. C'est plein de vidangeurs. Mais le vide, ça va beaucoup plus loin que ça. Le vide ne peut pas être créé par l'homme parce que l'homme est inconscient. Le vide, il est créé par la pénétration de l'intelligence dans l'homme et par la pénétration de l'énergie de cette intelligence qui se situe dans le mental ou l'émotionnel ou sur quelque plan que ce soit, parce que l'intelligence cosmique ou l'énergie cosmique, si vous voulez, cette fameuse énergie-là que tout le monde appelle l'énergie cosmique, c'est une énergie qui, quand elle est sans obstruction, crée automatiquement le vide, parce que c'est dans le vide qu'elle fonctionne le mieux, et c'est quand elle part, c'est que l'homme est vide, qu'il est rempli d'elle, de sorte que le vide est rempli, l'homme est automatiquement conscient, l'homme est automatiquement bien dans sa peau, et l'homme n'est plus passionné, il n'a plus besoin de la passion de l'esprit ou de l'ego pour donner à sa vie une sorte de plein qui est simplement une forme quelconque qui convient à son tempérament ou à son caractère. Et je vous le dis parce que dans les années qui vont venir, vous allez vivre de plus en plus en dehors de la passion. Et les changements vibratoires que vous vivez dans votre vie sont toujours en relation avec ce que je vous dis dans le temps. Quand je vous dis certaines choses, automatiquement, il y a des aspects de ces choses-là qui se manifestent dans le temps qui vient, parce qu'il y a une concordance entre les changements vibratoires que vous vivez et ce que je vous dis en public. Pour que vous puissiez toujours suivre de près vos changements puis les comprendre en relation avec ce que je vous explique. Pas pour rien, je parle pas pour rien. Il y a une synchronicité dans le temps. Si je vous parle, je vous explique le phénomène de la passion, c'est important que vous compreniez que si vous perdez de la passion, à quelque niveau que ce soit, parce que la passion, ce n'est pas simplement l'érotisme, il y a toutes sortes de passions sexuelles, il y a toutes sortes de passions. Si vous perdez la passion, automatiquement, vous allez voir, vous allez sentir que votre personnalité s'altère. Parce que c'est la passion qui colore votre personnalité et votre personnalité, en s'altérant, se transforme et en se transformant, permet que certaines énergies se logent en elle pour que cette personnalité, éventuellement, devienne un atout de l'intelligence au lieu d'être esclave de l'ego ou de l'esprit de l'ego. Le phénomène de la personnalité, vous le vivez aujourd'hui jusqu'à un certain point à l'intérieur des formes que vous constatez en vous-même. Mais dans 10 ou 15 ans, quand l'homme va passer d'un plan d'énergie à un autre, vous allez réaliser que votre personnalité, c'est simplement un voile qui n'a aucune substance. Et lorsque l'homme réalise que sa personnalité est un voile qui n'a aucune substance, c'est parce que déjà, il est totalement vide au niveau de la passion et que tout ce qui vibre en lui, c'est de l'énergie. Et c'est l'énergie qui donne, qui permet de projeter une personnalité ou une autre. Parce qu'autant aujourd'hui, vous avez une personnalité, autant dans 10, 15 ans, vous pourrez en avoir deux, trois personnalités, selon la vibration qui passera en vous et qui vous permettra d'agir en relation avec les hommes, selon l'intelligence de cette énergie-là. Mais l'homme est fixé dans sa personnalité parce que son corps astral est stabilisé, puis son corps mental est stabilisé, et les formes en lui sont stabilisées. Mais lorsque l'énergie descend et s'accentue au cours des années, plus elle devient forte, plus la personnalité se liquéfie, plus elle disparaît aux yeux de l'homme. Et plus éventuellement, elle est une manifestation directe de l'intelligence cosmique dans l'homme, selon les lois de l'énergie qui passent par son mental inférieur et son émotionnel. De sorte que, rendu à ce point-là, vous ne pouvez plus être passionnel. Mais, ne pas être passionnel, ça ne veut pas dire ne pas être capable. Là, je vous parle pour demain, pas m'énerver trop. Ça ne veut pas dire que demain, vous ne pourrez pas, à certains moments de votre vie, dans certaines expériences de votre vie, vibrer comme vous vibriez avant, disons sur le plan astral, sur le plan émotionnel, en relation avec votre sexualité. Mais ça ne sera pas la même vibration. Vous allez vibrer, mais votre personnalité sera pas impliquée dans l'expérience. Parce que, justement, vous ne serez plus passionnel. C'est dur, peut-être, pour vous autres de vous imaginer aujourd'hui que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre femme ou votre mari puis pas être passionnel, mais je vous assure que c'est pas dur. Parce que, penses-tu que le minou qui fait de l'amour avec sa chatte, il est passionné? Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vit. Nous autres, on est passionnés parce qu'on a coloré notre acte. On lui a donné une couleur. C'est ça la passion, c'est l'acte. C'est de colorer l'énergie qui passe dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, on a la couleur. Puis comme c'est à la mode de cet incite, mais on se couleur pas mal. Puis quand on commence à être décoloré par l'énergie, à ce moment-là, on commence à paniquer. Ça nous inquiète, puis ça nous énerve. Puis pourtant, c'est bien normal. je sais pas pourquoi tu demandes ça ce soir, moi. Oui, j'ai pas de volonté. J'ai pas de volonté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à sentir des changements vibratoires au niveau de vos passions? Je parle de passion, là, général. Tu vois, ça en fait pas mal déjà. On dirait que ça devient comme un médicament. Ça devient quoi? L'expression que j'ai eue, c'est que ça vient comme un médicament, c'est que tu fais une chose parce que c'est ça que tu as à faire. C'est vibratoire. T'es derrière ça. C'est ça. T'es tout derrière. C'est ce qui arrive quand tu perds la passion. Quand t'es dans la passion, t'es dedans. Quand tu sors de la passion, t'es derrière. Mais ça t'empêche pas de fonctionner. Ça t'empêche pas de fonctionner. Arrête. Ça t'empêche pas de fonctionner. Tu fonctionnes pareil, mais t'es derrière. On s'inquiète. Je comprends, on s'inquiète au début parce qu'on s'imagine qu'on fonctionne plus. Mais on fonctionne pareil. On est derrière. On regarde. Sans regarder. T'es dedans, mais t'es dans dehors. C'est une réflexion qui n'existe plus dans ton mental et ton émotionnel parce que c'est ça. Quand on est inconscient, on a un moi. Quand on est conscient, on n'a plus de moi. On est dans un grand moi. On n'est plus de petit moi. T'es dans un grand moi. Ce grand moi-là, il fait partie de toi vibratoirement. Ça fait partie de ton intelligence. Les gens essaient de savoir qu'est-ce que c'est le grand moi et le petit moi. Le petit moi, c'est quand tu es conscient, puis le grand moi, c'est quand tu es conscient. Puis quand tu es conscient, le grand moi, ça fait partie de toi. C'est une énergie, c'est une intelligence qui fait partie de toi. L'homme n'est rien sans intelligence. L'homme n'est rien sans une vibration dans le mental qui donne une conscience. Ça, c'est le grand moi. Seulement, quand on est inconscient, ben, on prend une partie de ce grand moi-là, puis on se l'attribue. Donc, ça fait le petit moi. Fait que quand on est passionné, c'est le petit moi qui fonctionne. Mais quand on se conscientise, qu'on rentre dans cette conscience universelle qui fait partie de nous autres comme on fait partie d'elle, à ce moment-là, le petit moi, il n'est plus, puis la passion n'est plus nécessaire. Regardez dans le domaine des idées, ceux qui sont dans le domaine des idées, ceux qui ont tendance à écrire, par exemple, ou ceux qui ont tendance à parler. Il y a un point, t'écris plus ce que t'écrivais avant. T'as plus la même passion. Si t'avais le goût avant d'écrire des romans à l'eau de rose ou des romans au niveau de ta passion d'écrivain, après ça, t'es plus capable d'écrire des romans à ce niveau-là. Tu peux écrire des romans, mais tu vas écrire d'autres romans. Tu seras plus dans la passion de ton esprit. Tu vas canaliser une énergie qui va te faire écrire des romans de telle sorte, qui conviennent à ta vibration. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là qu'on sente une désorientation? La désorientation, c'est le combat entre l'ego et l'énergie. C'est le combat entre l'ego qui ne veut pas perdre de son petit moi. C'est drôle parce que les égos, ils veulent être dans le grand moi. Tous les ans, tu parles au monde, tout le monde veut être conscient, tout le monde veut être dans ce patente-là. Puis aussitôt que tu réalises que c'est ce qui se passe, là, ils paniquent, là. Tu comprends? Mais ça, c'est normal, ça fait partie de l'ego. Tu comprends? On veut être conscient que c'est de la formule en anglais. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Tout le monde va aller au ciel, personne veut mourir. Bon, ben, on est de même. C'est la même chose au niveau de la conscience. C'est pas un maudit cadeau, la conscience. Imaginez-vous pas que c'est un cadeau, la conscience. La conscience, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, la conscience. Il y a pas un homme qui va me faire dire que la conscience, c'est un cadeau. La conscience, le seul temps que la conscience, c'est un cadeau, c'est quand tu ne subis plus d'interférence d'elle. Quand là, ton énergie est suffisamment balancée, quand tu as fini de travailler sur tes corps parce que tes corps ont été changés, c'est là que la conscience est un cadeau. Là, tu peux vivre comme du monde. Puis encore, c'est pas un cadeau. Parce que l'homme sera jamais heureux sur la Terre dans la conscience cosmique. Parce que la conscience cosmique, c'est pour une autre dimension parallèle. Wow. Le maximum qu'on peut retirer de la conscience cosmique tant qu'on est dans un corps matériel, qu'on est sur le plan matériel, dans une civilisation qui s'en va vers sa fin, c'est l'intelligence qu'on a qui vient d'elle et la volonté qui vient d'elle, qui nous permet, nous autres, en tant qu'homme, de nous organiser à notre façon, comme on veut, parce qu'on est devenu centré. La passion, c'est toujours une qualité de la vibration qui passe par un des centres, le mental ou l'astral, et qui donne à l'individu l'impression d'être impliqué. Aussitôt que tu es impliqué dans un acte, il y a de la passion. Parce que si tu fais l'amour à ta femme, tu es impliqué, automatiquement, il va y avoir de la passion. Si tu écris un livre, tu es impliqué dans le livre, automatiquement, il va y avoir une passion de l'esprit. La vibration en passe tout le temps. La vibration, nous autres, que tu sois conscient ou inconscient, la vibration passe tout le temps, mais elle est colorée par nos principes. Nos principes n'étant pas ajustés, n'ayant pas été transformés par l'énergie qui passe, automatiquement, nous autres, on a l'impression d'être impliqués. Alors, avec le temps, cette énergie-là passe, puis elle crée des chocs vibratoires au niveau astral, au niveau mental, elle crée des chocs, puis automatiquement, ces principes-là se changent, puis éventuellement, là, tu deviens désengagé de la réflexion que l'énergie crée dans ces principes-là. Est toujours là. Même si t'es d'un autre, la vibration est là. L'énergie est toujours là. Tout le temps. L'énergie est toujours là. Tu mourrais si l'énergie n'est pas là. L'énergie est toujours là. Ça va quand elle part dans nos principes, est colorée. C'est ça de l'inconscient. Qui est colorée par quoi? Par les formes qu'on a dans l'esprit ou les formes qu'on a dans le corps astral. Nos émotions. Et c'est ça qui crée la passion chez l'homme. T'essayes d'expliquer ça à un homme, puis il trouve ça difficile. Parce que déjà, l'homme est passionné. Et dans leur optique, ils ont absolument raison. Dans l'optique de la conscience supramentale, c'est pas que tu n'as plus d'émotion, c'est que ton corps émotionnel est en harmonie vibratoire avec cette énergie-là. De sorte qu'il n'y a plus de réflexion dans ton mental. Il n'y a plus de réflexion. Ce qu'on appelle l'émotion humaine, c'est une. Bon. Supposons que tu es là, tu me traites de, je ne sais pas, de sans-dessin. Bon. Moi, là, il peut y avoir une vibration qui se fait là. Vous savez, quand vous vous faites attaquer, c'est un plein de marde. C'est une petite vibration. Bon, mais c'est ça de l'émotion. Éventuellement, quand tu deviens bien centrique, que le corps mental est bien ajusté à l'énergie, que le corps émotionnel est bien ajusté à l'énergie, que tu te fais attaquer comme ça, tu ne fais pas parce que il n'y a plus de forme. Il n'y a plus de forme. C'est là que tu vas à l'extérieur. On parle des gens riches. Quand tu es riche, tu te sens solide, tu sors toutes tes affaires parce que tu es riche. Mais quand tu es pauvre, là, tu n'es pas sûr, là. Quand tu es riche, tu vends court, ça ne te dérange pas. Tu sais, tu as un avocat, puis il y en a qui aiment ça aller en cour. Tu vas en cours, puis tu as un avocat, puis tu le payes, puis tu gagnes tes causes. Mais quand tu es pauvre, puis tu vas en cours, tu sais jamais si tu vas gagner ta cause ou non. Comment? Mais d'où une insécurité? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je parle. Je veux dire, j'essaie d'expliquer que quand on est quelque chose, automatiquement, on vibre suivant ce quelque chose-là. Tu vibres toujours suivant le quelque chose que tu es. Si tu es spirituel, tu vas vibrer suivant le spirituel. Si, t'as perdu ta job, puis le propriétaire vient, puis il vient cogner à ta porte, tu vas sentir un petit malaise en dedans. Parce que t'es pauvre, là, pendant 2 semaines, t'as perdu ta job. Mais si t'es riche, puis t'avais décidé de pas payer ton propriétaire parce qu'il a pas arrangé ton lavabo, tu vivras pas cette affaire-là. Tu diras, mec, t'arranges mon lavabo, je te paierai, Charlie. Mais quand, essaye de dire ça quand t'as pas payé ton loyer, tu vas voir que c'est pas la même vibration. C'est ça que je veux dire. On paye. On est touché par les valeurs que l'on a ou que l'on n'a pas. Si, ouais. Si tu as des valeurs que tu as, ben t'es touché positivement par ces valeurs-là. Si tu es riche, tu es touché positivement par le fait que tu es riche. Si tu es pauvre, tu es touché négativement par le fait que tu es pauvre. Faut que l'émotion soit le produit direct de l'énergie plutôt que la forme qui vibre. Moi, j'ai rencontré un juif dernièrement. Puis j'avais acheté quelque chose, puis là, je donne un down payment. Puis j'ai dit, c'est que tu veux comme dépôt. Il dit so much. J'ai coupé ça en deux. J'ai dit, m'a donné ça. Il l'a pris. Mais si j'avais été dans l'insécurité financière, puis elle a dit so much, là, j'aurais vibré. C'est toujours le même mécanisme. Tout le temps le même mécanisme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est à tous les niveaux. Quand tu as une bonne éducation, tu te sens toujours un petit peu plus. Tu es toujours un petit peu plus prêt à affronter le chauffeur d'autobus. Tu as du vocabulaire. Comment tu veux dire? C'est pour ça qu'on dit que l'argent attire l'argent. Ben, évidemment. Évidemment. Plus t'es pauvre, plus t'as l'air pauvre. Puis t'es bon, puis t'as l'air bon. Puis là. Puis on gueule, puis on gueule. Ils m'ont dit quelque chose de deux jours, j'ai trouvé ça bien intéressant. Me rappelle plus. Ça va bien loin. Ça va bien loin. La passion, ça nous touche intégralement en tant qu'être humain. Inconscient ou qui vont vers la conscience. Puis moi, je vous assure que plus on avance dans la conscience, plus on sent l'énergie du vide. Et cette énergie du vide-là, c'est pas un cadeau, puis c'est fatigant, puis faut que tu attendes que ça passe. Puis après ça, ça se tasse, puis ça repart, puis ça tasse. Fait qu'éventuellement, c'est ça qui te sort de ta condition humaine. C'est ça qui te sort de ce qui colore ta vie en tant que moi, de petit moi. C'est pour ça qu'éventuellement, tu développes une certaine résistance à cette énergie-là, puis éventuellement, tu vis dans ce vide-là, puis éventuellement, tu es bien dans ce vide-là, puis tu es créatif dans ce vide-là, parce que le vide est toujours plein, anyway. Ils sont toujours là, eux autres. Mais si vous fondez votre vie sur une passion et que vous allez vers la conscience supramentale, vous allez vous cogner le nez contre le mur, parce que c'est automatique qu'ils vont vous l'enlever. C'est une loi universelle. Parce que les enfants de la lumière, eux autres, là, quand ils parlent des enfants de la lumière, ils veulent dire ceci. Ils veulent dire qu'il y aura des hommes un jour qui vivront et qui verront l'énergie morontielle. Qui vivront de cette énergie morontielle-là. Qui seront dans cette énergie morontielle-là. Qui seront dans cette énergie de l'âme-là. Qui auront transmuté tellement l'énergie de l'âme qu'ils auront créé avec cette énergie-là un corps dont ils se serviront pour voyager dans le temps ou soit pour se matérialiser dans la matière ou soit pour se dématérialiser dans la matière. L'homme sera totalement maître des lois de la nature. Et pour être maître des lois de la nature, les lois de la lumière doivent s'imposer complètement sur l'homme parce que l'homme est complètement dominé par les lois de la nature. Et là où les lois de la nature dominent l'homme, c'est par son corps astral, son corps mental inférieur. Alors, ils sont obligés vibratoirement de détruire tous les reflets dans le mental ou dans l'astral qui empêchent cette vibration de se loger à volonté. Quand ce qu'ils veulent, quand c'est le temps, pour que l'homme puisse passer d'un plan d'énergie à un autre, alors, ils sont obligés de détruire dans l'homme la passion. Et la destruction de la passion, c'est beaucoup plus difficile pour la femme que pour l'homme. Parce que la passion de la femme est beaucoup plus logée dans le corps émotionnel, tandis que la passion de l'homme est beaucoup plus logée dans le corps mental, universellement parlant. L'homme crée, l'homme écrit, l'homme est artiste, l'homme est musicien, l'homme bâtit la société, c'est sa fonction. Tandis que la femme procrée, ainsi de suite, la femme La femme est la manifestation sur le plan matériel des liens de l'amour humain pour engendrer une famille, une société, ainsi de suite. Alors, le processus de destruction de passion, que ce soit dans l'homme ou dans la femme, est le même. L'énergie, qu'elle se loge dans le plexus solaire ou qu'elle se loge dans le mental inférieur, crée la même situation chez l'homme, ce fameux vide qui est plat. Le vide est extrêmement plat. Et quand vous sentez le plat, c'est parce que justement, il y a un tiraillement entre l'ego et l'énergie. C'est plat. Tu essaies de trouver quelque chose à faire, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas grouiller, il n'y a rien à faire. C'est plat. Quelqu'un t'appelle, tu es assez content, vierge, j'ai de l'action. Après ça, tu retombes dans le plat. C'est plat. Tu perds toute initiative personnelle quand tu rentres dans l'énergie. Puis tant que vous allez avoir de l'initiative personnelle, c'est parce que vous aurez de la passion à un niveau ou à un autre. Ça, c'est graduel, cette affaire-là. C'est plus ou moins. Un homme n'a pas besoin de perdre toute passion pour être conscient. Mais un homme doit vivre la perte de la passion pour être conscientisé à la conscience cosmique. C'est automatique. C'est l'homme est obligé de perdre sa sensibilité à la passion de l'esprit, sa sensibilité à la passion émotive pour rentrer dans la conscience universelle, autrement dit, pour sentir cette énergie-là qui est intelligente. C'est pour ça que le phénomène de la passion, la compréhension du phénomène de la passion, si vous le comprenez, c'est bon parce que ça vous désengage de plus en plus de la valeur que vous attachez à la passion et ça vous permet de vivre de plus en plus facilement le vide. Mais si vous avez la crainte de perdre de cette passion, ou si vous souffrez de perdre de cette passion, ou si vous avez l'inquiétude de ne pas vibrer de cette passion, vous allez être obligé de le vivre éventuellement, d'en comprendre la situation, l'état. C'est universel. Ils le font graduellement, suivant chacun, mais éventuellement, tout le monde y passe parce que c'est une loi de la lumière. Autant la passion rattache l'homme à la matière, autant l'absence de passion libère l'homme de la matière. Et une des raisons pourquoi la passion, dans l'être qui se conscientise, l'être qui va vers la sixième race ou l'être qui va ce segment d'humanité qui fera partie du gouvernement invisible, automatiquement, ils sont obligés de vivre cette absence de passion-là. C'est une condition fondamentale des lois de la lumière. Mais parce que les lois de la lumière sont obligées de totalement détruire l'homme planétaire pour donner naissance à l'homme cosmique. L'homme planétaire, c'est l'homme inconscient de la cinquième race depuis le début de l'évolution. Et l'homme cosmique, c'est l'homme qui viendra au cours des années à venir et qui sera dans l'énergie de cette lumière-là, de cette intelligence-là, et qui participera au dessein de cette intelligence-là sur le plan de l'évolution, mais en dehors de son petit moi, c'est-à-dire en dehors des fragments de sa conscience personnalisée au niveau d'émotions et du mental inférieur, pour donner à sa vie subjective planétaire une valeur quelconque. Parce que quand tu es conscient, tu n'as plus besoin d'avoir de valeur. Mais la passion donne de la valeur à l'homme. Parce que si t'es bon dans le lit, puis t'es un homme, mais tu te sens macho, puis c'est ça, macho? Puis si t'es bel intellectuel, puis t'écris des beaux livres, mais tu te sens bel intelligent, ainsi de suite, créatif, papa. Mais quand l'énergie passe, ça va te mettre sur terre, fait que les beaux livres que t'écrivais avant, tu pourras plus les écrire, parce que tu vas perdre la mémoire. Puis ils vont te faire écrire ce qu'ils veulent. Et non ce que toi tu veux par tempérament et caractère. C'est important l'affaire de la passion. C'est vital. La différence entre le vital et la passion. Quand on parle de l'énergie vitale, c'est pour quelqu'un qui. Donc, ça, on va avoir une énergie qui se fait plus, qui peut bouger plus que certains autres êtres. C'est parce que les gens ont un système nerveux développé, puis ont un corps émotionnel très actif, puis un corps mental très actif. Ça se rapporte avec la passion, ça aussi. Ça fait toute partie de la passion. C'est la passion qui rend le même. C'est bien, bien, la parole. Comment ça va? Mieux? Éventuellement, ça vient du corps de désir, puis éventuellement, ça vient de l'énergie. C'est l'énergie qui sensibilise ton corps astral pour que tu aies dans ta vie matérielle une certaine harmonie. Pour que tu puisses, au niveau de ton système nerveux, puis de ton corps matériel, de ton esprit, ainsi de suite, relaxer dans des formes qui te conviennent astralement. Mais il n'y a pas de passion là-dedans. C'est simplement de la créativité qui est liée à l'intelligence de l'énergie qui te fait voir des choses directement, vibratoirement. Ça devient vibratoire. Le poids, il va pas là, il va là. Vous voyez? Si tu leur demandes, ils vont te l'expliquer pourquoi est-ce qu'il va là. Le petit pouceur, il va pas là, il va là. Plus on devient sensible à l'énergie, plus on devient créatif. À tous les niveaux, même au niveau des meubles, au niveau de n'importe quoi.